Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. On commence ça en force avec une pièce que je dédie tout particulièrement à CKRL, ce qu'on pourrait qualifier comme étant une radio libre. L'anarchisme, c'est foutre le bordel, puis sauver. Tu comprends? Quand les 150 000 gars de la construction se lèveront ce matin pour bâtir leur maison, elle sera grande, elle sera ronde, elle sera belle. Leur chance mèneront au prix de leur des rigueurs, des ferrailleurs, opérateurs avec la FTQ. Il y aura des peintres, des millwrights, électriciens, frigoristes avec la FTQ. 150 000 gars de la construction se lèveront ce matin pour bâtir leur maison. Elle sera grande, elle sera haute, elle sera belle. Leur chant se mêleront au bruit de leurs outils. Il y aura des plombiers, des plâtriers, des menuisiers, des journaliers avec la FTQ. Des carpentiers, des chaudronniers, des linemen, poseurs de tuiles avec la FTQ. Une chance qu'on est là, hein? Personne ne parlera d'eux autres. Une chance qu'on est là. Franchement, André, il n'y a personne, jamais personne qui parlerait de ce groupe-là, ce groupe d'anarchistes, ce groupe de bonnes femmes frustrées. Néo-nazis. À la limite, là. Moi. Fait qu'on est rendu là. Radio X, allô? Oh, personne, c'est tranquille. C'est high! C'est high! Non, on est clair en ondes. On est clair en ondes, c'est ça. Ben, c'est ça. Un mort, deux morts, trois morts, dix morts, cent morts, mille morts, et davantage encore. La terre n'arrête pas de tourner, les gens n'arrêtent pas de bouffer, la mort n'arrête pas de rouler, et les quatre morts n'ont pas prolongé. Qu'on commençait dans le feu. On était dans le feu ou on l'était pas? C'était un bloc qu'on pourrait qualifier de musique fantaisiste. On a entendu l'excellente polka des thanatologues de l'ami Steve Normandin. La pièce avec tes outils. De Luc Cousineau et les gars du chantier FTQ. Et l'excellente pièce Radio Caca. Ben oui, pourquoi trouver des noms de chansons compliquées quand on peut faire ça simple? Bon, je dédie cette chanson-là à CKRL. Parce que CKRL, c'est en quelque sorte une radio libre. Toi, qui est l'équivalent en France d'une radio libre, c'est une radio communautaire. C'est plus ou moins la même chose. Et c'était cette pièce-là, c'était chantée par Jean-Marc Biencourt. Ça vous dit absolument rien, hein, moi non plus. Évidemment, il ne tournait pas en dérision, les radios libres. Ben, en fait, oui, il se moquait gentiment. C'est une pièce fantaisiste, là. Il se moquait gentiment des radios libres. Il dit notamment... Il y a quelque chose qui... Quelques extraits de ses textes, de sa subtile poésie, qui peut se coller très bien à CKRL. Par exemple, il dit à un moment donné... « Je ne suis qu'un animateur bénévole, mais un jour, j'aurai des subventions. L'État savent bien que c'est important, les radios libres. » D'ailleurs, en ce moment même, il y a des consultations publiques pour la radio communautaire. Ah, peut-être une suggestion à la ministre de la Culture et de la Condition féminine. Subventionnez-moi. Subventionnez le Cirque aquatique magique. Ensuite, on a entendu, et mon Dieu, avec les gars de la construction, avec leurs outils, une pièce qui a joué à Infoman. OK, oui. Et c'est un 33 tours qui a été déniché par les amis de Montréal de CISM. Un beau duo de connaisseurs, de collectionneurs de musique. Et la polka des thanatologues. Peut-être que vous avez peut-être remarqué quelques similitudes avec la Bolduc. La chanson était un peu faite sur le modèle de ce que faisait la Bolduc. Sauf qu'au lieu du turlutage, c'était du yodel. Et du yodel vraiment intense. Vraiment, comment je pourrais dire? La Bolduc avait toujours aussi tendance à faire des pièces avec des sujets extrêmement tristes, mais avec chanter d'une façon extrêmement gay. Et là, c'est comme si Steve Normandin s'était amusé à faire la chanson la plus épiquement triste possible et chanter de la façon la plus gay possible. Ça donne un résultat vraiment, vraiment très, très drôle, hilarant. À un moment donné, dans la chanson, il dit « Le sang n'arrête pas de gicler. Je fais un accident. Il y a un morceau de vide de 6 pouces qui me rentre dans le cerveau. » Vraiment très réussi. Bravo, Steve Normandin, qu'on peut entendre des fois à l'excellente émission « Les tontons scalpeurs » le mercredi soir. C'est KRL, bien sûr. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique en votre compagnie La Voix Suave de François Gécouillard. On va maintenant écouter un bloc, pourquoi pas, consacré à l'alimentation. Miam, miam. This is a violent E. Gentil ou gentil, tout secret. Ce sont des profiteurs de système. Puis c'est encore des gens qui vont être accrochés à notre gouvernement. Puis c'est encore des gens qui vont essayer de se mettre à genoux pour avoir 72 000 subventions pour des cochonneries. Ils vont toujours être en... Je te dis, c'est des quêteux. C'est carrément ça. Nous autres, on paye pour ça en plus. Un jour de Pentecôte. Yeah. va confronter l'extrême gauche, c'est le white power de c'est le white power de quand je te dis que c'est devenu à Saguenay n'importe quoi. Est-ce que je m'appuie sur des faits? Est-ce qu'ils vont aller dire au conseil de presse que je suis un trou de cul qui fait de la démagogie? Buy me Bistro spaghetti. Buy me Bistro beef stew. Buy me Bistro pork chops with plenty gravy. Buy me Bistro mashed potatoes. Buy me Bistro scrambled eggs. Buy me Bistro toast with french fries too. I could sink a felt of fish, but I'll take some orange stew. Bring me some ice cream pie with those good baked potato pies. I could say spaghetti, I could say beef stew, but bring me some of that good fried lamb. I got now, boy. Sweet potato pie with plenty gravy, plenty gravy on the side. Mashed potatoes, ice cream stew. Veeny, veeny, veeny. When a schnitzel, shishki babo, rano vita mila vila bella. Qu'est-ce que mange un indigné? Est-ce qu'il mange du spaghetti? Est-ce qu'il mange du steak haché? Est-ce qu'il mange des fruits? Oh! Un indigné, ça mange de la bouffe de poubelle. Eh oui. C'est le 31 octobre dernier. C'est le comité Boostify du bar coop La JT qui est allé dumpster diver pour offrir de la bouffe aux indignés. Alors, le comité Boostify, dumpster diver, qu'est-ce que ça signifie? Bon, dumpster, poubelle, diver, plonger. Alors, plonger dans une poubelle pour en extraire de substantiels aliments. Des pommes, des tomates, des bananes, du pain. Ça se trouve dans les poubelles des centres des supermarchés. Alors, c'est encore bon, ces affaires-là? Alors, on pogne ça, on met ça dans une grosse casserole, on fait une grosse gros couscous. Et voilà du bon manger! 31 octobre dernier, c'était un grand plaisir de participer à cette opération-là. On vient d'entendre un bloc consacré à l'alimentation. On a entendu Slim and Slam nous chanter « Bay Mir Bist du Schoen », ce qui signifie « Avec moi, tu es belle ». Je sais pas c'est quoi le rapport, mais il dit tout le temps dans la chanson « Bermis Bist du Schoen Spaghetti »« Bermis Bay Mir Bist du Schoen Potato ». Je la comprends pas. Ensuite, on a entendu « La gloutronnerie de Normand » de Justine et Séverin, un groupe de Québec. Et « Douce crème » de odeur, à quel point c'est jouissif et vraiment ça donne des orgasmes de faire de la crème chantilly du groupe fantaisiste Les Odeurs. Odeurs, en fait. C'est vraiment juste odeur, c'est pas les odeurs. Qui était Slim and Slam? Eh bien, c'est un groupe un duo formé dans les années 30 qui était composé de Bully Slim Gaillard et de Leroy Elliott Slam Stewart. Et ils faisaient des numéros de jazz fantaisistes. C'était des maîtres du scat et de l'argot hipster. Et c'est la chanson Tutti Booty qui a inspiré la chanson Tutti Frutti de Little Richards. Et que dire de plus, il portait un très beau pinch. Saviez-vous que jeudi prochain, il y aura 200 000 étudiants et étudiantes en grève? Donc on peut aller écouter une petite pièce, pas un bloc, là, vraiment juste une pièce consacrée aux étudiants. Étudiantes, pourquoi pas? Vous êtes au Cirque Aquatique Magique, la radio de la bonne humeur, qu'elle soit Radio Grenouille ou Radio CKRL 89.1. Vous êtes accompagné de François Gécouillard. Jérusalem sera véritablement une cité cosmopolite. En allant nous promener sur la grande place, on pourra y voir des échantillons de toutes les nationalités humaines et aussi d'autres créatures intelligentes dont nous ne connaissons actuellement presque rien. Et parmi ce grand nombre de créatures, aucune d'entre elles ne pourra porter la souillure ou le péché. Quelle différence avec le jardin d'Éden où le mensonge de Satan a pavé une voie d'entrée pour le péché. Merci pour eux. Il se pourrait même que les corps célestes en viennent à dépendre eux-mêmes de la cité céleste pour transmettre lumière et chaleur. Parce que Dieu, la source de toute lumière et de toute vie, vivra à l'intérieur de la ville. Nous n'aurons plus besoin d'électricité ou d'un autre combustible pour nous éclairer, car la source de lumière pour tout l'univers vivra parmi nous. Assez de regards de focus. Trop difficile, se parler, de s'essayer à s'expliquer. Arrêtons donc de laisser croire, entretenir de faux espoirs. C'est la tendance, bien écrit, d'agir en sale, combien pourri. D'être violent et arrogant et de faire flipper tous les gens. C'est qu'on va dire des petites places pour un abouti. Vous venez d'entendre trois pièces joyeuses. Si ça rapporte de Marcel et son orchestre, la gare de Caen, des ogres de Barbac et des hurlements de Léo. Et on a entendu les étudiants des VRP. Encore un groupe fantaisiste. Donc, là, évidemment, la première pièce, les étudiants, c'est en hommage aux 200 000 étudiants qui sont en grève le jeudi 10 novembre pour s'opposer aux hausses de frais de scolarité. Ce qui va faire que vous et moi, on ne pourra jamais s'offrir ou offrir à nos enfants ou aux générations qui vont nous suivre des éducations, de l'éducation de bonne qualité, abordable. Ça ne sera plus qu'un mythe, à moins qu'évidemment qu'on se soulève et qu'on crée un rapport de force avec le gouvernement. Mais sinon, les deux pièces d'après, c'était des pièces tirées d'une compilation qui est sortie suite aux 10 ans d'IRFAN. Qu'est-ce que c'est, IRFAN? C'est une maison de disques, ce qu'on appelle en français de France un label. Une maison de disques. IRFAN, ça signifie en arabe connaissance. Tout simplement. Donc, IRFAN, c'est quoi? Bon, un label en français fondé par des gens qui gravaient autour des ogres de Barbac. L'objectif, c'était de devenir autonome, d'avoir une maison de disques pour distribuer soi-même ses albums. Donc, on reprend encore le concept de la musique punk, le DIY, le Do It Yourself. Et tranquillement, pas vite, en 10 ans, IRFAN s'est fait une place à travers le monde des géants industriels de la musique. Donc, IRFAN, c'est toujours une petite boîte autonome, sympathique et qui verse beaucoup dans la chanson française. La nouvelle chanson, on peut appeler ça la nouvelle chanson française, peut-être. Et il édite des groupes comme Marcel et son orchestre, la fanfare du Belgistan, Regius, Gratoons et Les Fils de Tépu, et bien, bien d'autres. Donc, bon anniversaire, IRFAN. Allons écouter un bloc consacré à un charmant artiste de Montréal qui s'appelle King Can, tiré d'une compilation qui est sortie encore une fois gratuitement téléchargeable sur Internet, The King Can Experience. La première pièce s'intitule Le Bob Log Stomp. Non, il y a un besoin, là. Il y a des gens qui veulent sortir de l'homosexualité, mais ils ne savent pas où commencer, par où passer, les questions, les réponses. Alors, on a décidé de fonder l'Oasis de paix pour être une ressource pour des personnes qui veulent sortir de l'homosexualité. Amen. Ich komme mit dir. soldat qui fait guet. Veren in dem dunklen Leben. Erde der besagte jungen Zahn. Beugen ihre Knie. Hat alles, hat alles, hat alles, hat alles. Alles fest. Hat alles, hat alles, hat alles, hat alles. Riche, vermis, dich. Ce qui signifie marteau, tu me manques. On a entendu aussi dans ce bloc consacré à King Can, Knock Me Off My Feet et le Bob Log Stomp, qui est la pièce titre de cet album qui s'intitule The King Can Experience, téléchargeable gratuitement de sur Internet. Vous avez juste à taper King Can. Et là, c'est important. Vous avez remarqué que c'est un subtil jeu de mots. King Can. Can, ça s'écrit K-H-A-N. Il y a deux K dans son nom, alors c'est doublement winner. Et Can dans le sens de Genghis Khan. On se comprend? Le roi Can. Et c'est quoi cette espèce de bébite-là? On pourrait qualifier ça de soul music, psychédélique, yé-yé, jazz. Des inspirations là-dedans. Aussi connu sous le nom de King Can and the Barbecue Show ou de King Can and the Shrines. C'est un groupe qui était originalement composé de Black Snake, un Montréalais d'origine indienne, mais il a changé de nom lorsqu'il est déménagé en Allemagne en 1999 et il s'est rebaptisé King Can. Et ce serait sa grand-mère hindoue qui l'aurait initié aux histoires de vaudou et de mysticisme, qui contribue à faire de lui l'exotique et envoûtant chaman du garage et maharaja du soul dans son royaume allemand. Et tenez-vous bien, il y a une petite fille qui s'appelle Sabalou, qui à l'âge de 6 ans est sur le bord de lancer un album. Alors c'est quand même intéressant à se procurer. Surveillez ça, allez sur le site de King Can. Hey, c'est vraiment ça rock, hein? On peut dire que King Can and the Shrines sont connus internationalement et ils sont hautement estimés chez les connaisseurs de musique garage, de musique à tendance rétro, de musique à tendance vaudou, primitive et transcendantale. Et là, je salue l'ami Grondin et l'ami Sam. Et je sais qu'ils aiment beaucoup la soul music, le rock, les trucs qui sont toujours un peu vieillots, mais quand même qu'on aime toujours autant. Alors, on va écouter un gars qui s'appelle Cecil Gant. Et je suis certain qu'ils vont être heureux. I wonder, my little darling, where can you be again tonight? While the moon is shining bright, I wonder, my heart is aching. Why for you can our love be mistaken? Darling, don't you say that this must mean our ending, I wonder. Baby, I've been through, lover's lane. I've been making life just the same. I've been traveling miles around, trying to find the one I love. Come on, I wonder. Well, well, well, little baby, will you think of me every day? Though I may be a million miles away, I wonder. Think of me every day. Though I may be a million miles away, I wonder. S'il y a une seule médaille gagnée par l'Afrique aux Jeux d'hiver, ben moi je suis à terre. C'est clair? Running wild, little baby, you're running wild. Why do you treat me like a little baby child? Yes, I love you, but my heart has turned to stone. Yes, I love you, and my heart has turned to stone. If I knew you didn't want me, why didn't you leave for me alone? Plant your cat plant. Look out. Goodbye, baby. I'll be seeing you again. Goodbye, baby. I'll be seeing you again. Well, I can't say now just where I went. voilà deux pièces de Cecil Gant, le grand-papa du rock, apparemment. Vous aurez reconnu les rythmes du blues. Ça sentait un peu la swamp. Et vous étiez en compagnie de François Gécouillard à CKRL 89.1. C'était l'émission Le Cirque Aquatique Magique. Pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. Faites-vous plaisir et mettez des commentaires et puis dites-moi ce qui vous a fait frémir et ce que vous avez haï. Pourquoi pas? Anyway, vous savez très bien que je vais faire juste à ma tête. On va écouter une dernière pièce. On va se laisser encore avec une pièce de Cecil Gant. La pièce s'intitule Cecil's Mop Mop. Ciao, ciao, à la prochaine. Even knowing, mop, mop, joint is jumping. Knock me out, Jack, with a boogie-woogie beat. Send me Solid Man on down the street. Mop, mop, everybody's happy. Mop, mop, even old Pappy. Mop, mop, everybody's jumping. Mop, mop, the joint is jumping. Knock me out, Jack, with a boogie-woogie beat. Send me Solid Fender Man on down the street. Mop, mop, everybody's happy. Mop, mop, look at old Pappy. Mop, mop, everybody's stopping because the joint is jumping. Jump, jump with me. Run and jump with me. Run and jump with me. Baby. Everybody's happy. Mop, mop, look at old Pappy. Mop, mop, everybody's stopping. Look out, Jack, the joint is jumping. Run and jump with me.